J'suis devant ma feuille, j'suis comme un fantôme. J'ai mal au cœur et ça n'est qu'un symptôme. J'pourrais faire le recueil de ma vie en symptômes. J'ai trop bu, mon cerveau fait des saltos. J'visionne toutes mes erreurs et ça me dure. Mon silence m'a joué de sale tour. J'me complais dans ma peine, je me terre dans ma haine. Je me jette dans l'arène et ça me saoule. J'me fiche complètement que tu compatises. Pour un peu de pognon, c'est compactise. Moi j'me tais face aux paroles factices. Rien à foutre de vendre des compacts. Solo dans ma tête, parfois quelque peu entêté. Je me tâte et voudrais tâter, j'suis trop mat à force de tarder. Je me place et viens beau parti, j'perds la face et n'aime pas parler. Je m'en bats mais je m'en bats et je m'en bats, j'ai tous les cramés. Y'a des trucs que j'devrais mieux faire, comme me confier plus à mes frères. Répéter je t'aime à ma femme, mais je reste muet comme une pierre. Y'a des trucs que j'devrais mieux faire, comme me confier plus à mes frères. Répéter je t'aime à ma femme, mais je reste muet comme une pierre. T'emballe. J'ai toujours eu du mal à m'exprimer. C'est peut-être pour ça que je rappe. Tout le monde applaudit les parts, mais même quand je peux le faire, c'est dur à déchiffrer. Et yo, fais gaffe, l'ami. La plupart ont l'air très vrais, c'est ça la vie. Éloigne-toi de lui. Si promets, mon c'est merveille. J'observe les constellations, les yeux rivés vers le ciel. Non, non, c'est bon, je n'ai pas honte. Si un truc que je veux faire, je le fais. Ensemble, on gagnera. Ma smala est incomparable. On reste un pour chaque pas. On fait notre chemin, on tape sale. Ne sois pas muet comme une tombe. Ce que t'en penses, dis-le fort. Ça y est, je vais faire ce que je veux. Je vais leur montrer c'est qui le boss. Si c'est pas moi, c'est mon fils. Demande à ULS. On va tout taper dans ce biz. Même quand on fait ça à la cool, c'est frais. Si on reste muet comme des tombes, c'est qu'on cherche une bonne raison de dissimuler ce mal-être. Pas net, je m'arrête et cherche la bonne réponse. Si on reste muet comme des tombes, c'est qu'on cherche une bonne raison de dissimuler ce mal-être. Pas net, je m'arrête et cherche la bonne réponse. Y'a des choses que j'aurais dû dire. Je restais un peu trop près du vice. Dans ma tombe, faut que je ressuscite. J'ai compris, vite l'homme est stupide. Mais j'ouvre les yeux sur ma vie, tu vas rire, tu l'as teasé, je m'affale, c'est pas grave. J'ai la dalle dans ma tête, chant que ça pète sans arrêt. En alerte, seul tu sombres, je me trouve con, je veux du son. J'hésite plus quand je tape ton somme, ça fait mal frangin. J'ai mis du temps à comprendre, j'avais les cartes en main. Là tout s'enfonce des vœux, j'ai besoin de vos forces. Ça tourne en rond, mais je veux des lingots d'or, un bonhomme. Je reste silencieux face aux mille envieux. Ma vie prend feu, je pars en vrille dans ce jeu. Mec, je m'attendris, ça s'empire sans eux. Reste attentif, ouais, j'ai des tripes dangereux. C'est salement triste, check le vide dans le cœur. Quelle galanterie quand je te nique t'en pleure. Laisse-moi en kiff, j'aimerais dire tant mieux. Mais fais-moi rêver, ouais, je reste un petit branleur. RIP, je laisse filer mes idées. Et sans vous, je reste dans le doute, je vous accueille dans mon cimetière. Les victimes restent in peace et je m'irrite, je parle pas trop, je frappe la prod. Tout ce que je pense reste un mystère. Ah. Il ne faut pas t'en faire, je reste là, tu me verras pas dans le cercle. Maquiller ma rime pour qu'elle passe à l'antenne. Répondu à tout comme un Thaïlandais. Flou, j'ai bu 40 verres. Non, je ne partirai pas, l'âme en peine. Car c'est salade, genre le talent paye. Je filais au taf quand tu te lamentais. Mais je tape ça, pour une fois, chance de flow. Je vais choquer ta bande de potes, ça fait braquage. Ouais, je viens pour prendre le pôle. Qui m'aurait vu sur ce genre de prod? J'ai des immenses vices, plus de 1000 envies. Je veux que le bilan brille, pourtant j'écris dans le vide. Je vais pas faire l'acteur, je préfère faire la teuf. Même si je ferme ma gueule lorsque le silence crie. Si on reste muet comme des tombes, c'est qu'on cherche une bonne raison de dissimuler ce mal-être. Pas net, je m'arrête et cherche la bonne réponse. Si on reste muet comme des tombes, c'est qu'on cherche une bonne raison de dissimuler ce mal-être. Pas net, je m'arrête et cherche la bonne réponse. Eh, fais le malin le grand garçon, ça va pas, je me pète 30 canons. Je fly comme quand je prends l'avion. Ça me fait mal quand je vois Baribou dans le salon. Je compte en faire des secrets dans ma tombe, dans ma chambre, je m'entraîne, je chante à fond. Réussir dans ce game, nous fantasmons. Mon compte va le faire sans baisser le pantalon. Je le garde pour moi, viens pas te mêler. Laisse-moi gérer, j'ai entêté, c'est mort. Des problèmes, j'en parle pas, j'ai pas envie. T'en veux qui mes proches, pourtant je sais qu'ils me soutiennent. Parfois ça sort quand je suis tous graines. Et là je me confie à la bouteille. Dans la vie je fais que répéter mes temps. J'ai pas de deal mafieux. Y'a des petites crasseuses. Des petites disgracieuses. Oui ma belle, suce-moi la queue, après ça ira mieux. Ouais pour ces dreams c'est vrai que je craque. Je pense pas ce que je dis, j'ai un gentil dégueulasse. Pétasse. Si on reste muet comme des tombes, c'est qu'on cherche une bonne raison de dissimuler ce mal-être. Pas net, j'm'arrête et cherche la belle réponse. Si on reste muet comme des tombes, c'est qu'on cherche une bonne raison de dissimuler ce mal-être. Pas net, j'm'arrête et cherche la bonne réponse. Si on reste muet comme des tombes, c'est qu'on cherche une bonne raison de dissimuler ce mal-être. Pas net, j'm'arrête et cherche la bonne réponse.